Yayao, et comme up on the mic, Madin Unity, déjà 10 ans, pour toi et toi, reggae addict, Nance Unity Sound, big up Soldier Bees. Rise up, cela ne peut plus durer, rise up, on ne peut plus respirer, rise up. Cela fait bien trop d'années qu'ils tuent nos enfants en toute impunité. Rise up, cela ne peut plus durer. Rise up, on ne peut plus respirer. Rise up, cela fait bien trop d'années qu'ils tuent nos enfants en toute impunité. Encore un incident que l'on aurait pu éviter. Encore une vie qui a été brisée. Encore une famille qui va devoir pleurer la mort d'un être cher tant aimé. Encore une famille brisée. Encore une famille déchirée. Encore un homme tué, encore des larmes vont couler. Rise up, cela ne peut plus durer. Rise up, on ne peut plus respirer. Rise up, cela fait bien trop d'années qu'ils tuent nos enfants en toute impunité. Rise up, cela ne peut plus durer. Rise up, on ne peut plus respirer. Rise up, cela fait bien trop d'années qu'ils tuent nos enfants en toute impunité. Combien de temps va-t-il falloir pour que l'État puisse s'émouvoir? Combien de morts doit-il y avoir pour que l'État fasse son devoir? Combien de temps va-t-il falloir pour que le peuple retrouve espoir? Combien de morts doit-il y avoir pour plus de sang sur le trottoir? Rise up, cela ne peut plus durer. Rise up, on ne peut plus respirer. Rise up, cela fait bien trop d'années qu'ils tuent nos enfants en toute impunité. Rise up, cela ne peut plus durer. Rise up, on ne peut plus respirer. Rise up, cela fait bien trop d'années qu'ils tuent nos enfants en toute impunité. Monsieur l'officier, regarde ce que tu as fait. Aurais-tu oublié ce pourquoi tu es payé? Protéger et servir les enfants de la nation. Protéger et servir les gens de tout horizon. Monsieur l'officier, regarde ce que tu as fait. Non, ton uniforme te donne pas le droit de tuer. Monsieur l'officier, regarde ce que tu as fait. Oh non, jamais nous ne pourrons te pardonner. Rise up, cela ne peut plus durer. Rise up, on ne peut plus respirer. Rise up, cela fait bien trop d'années qu'ils tuent nos enfants en toute impunité. Rise up, cela ne peut plus durer. Rise up, on ne peut plus respirer. Rise up, cela fait bien trop d'années qu'ils tuent nos enfants en toute impunité. Cela fait bien trop d'années, donc ils ne cessent de tuer. Des hommes innocents sont exécutés par les forces de l'ordre, celles qui sont censées les protéger. Ils sont exécutés comme des chiens enragés. Arrêtez, arrêtez, ça ne peut pas durer. Pour une couleur de peau, vous voilà condamnés. Non mais faut pas déconner, cela ne peut pas durer. Si vous voulez nous chercher, vous allez nous trouver. Rise up, cela ne peut plus durer. Rise up, on ne peut plus respirer. Rise up, cela fait bien trop d'années qu'ils tuent nos enfants en toute impunité. Rise up, cela ne peut plus durer. Rise up, on ne peut plus respirer. Rise up, cela fait bien trop d'années qu'ils tuent nos enfants en toute impunité.